Cher, cher, c'est midi, c'est midi, ADR, triple zéro, sans état d'âme, 2, double zéro, 8, 1, le nord, c'est ma vie, mon paysage, où se forment les traits de mon visage, le nord, c'est traîtrise et méprise, attitude créatrice de mauvaise entreprise, le nord, ici à pas de plage, pas de parc, je sens barre à squat et à square, le nord, mon 5-9 ne l'enlèvera pas de la fête, j'ai pris goût à ne pas prendre goût à la fête, le nord, le soleil, les plages de Nice, le vieux port de Mars, ici sortir est à risque. Je ne connais pas la fête, la loi des Corses. Ici tout pas est une épreuve de force. Je connais rien, rien de tout cela. Je suis toujours resté dans mon tapis de nord, je suis toujours là. Pôle nord, soleil, printemps, été est venu l'hiver, les doigts en gelée. Je ne connais pas la tour Eiffel. Je ne connais pas l'arc de triomphe. Je ne connais pas les Champs-Élysées. Je connais North City, les vieux pauvres qui rompent. Je ne connais pas la joie de vivre la vie libre. L'attitude et l'équilibre, je ne connais pas les banlieues de Paname et les quartiers nord. Je suis juste un jeune issu de mon tapis de nord. C'est ma vie, mon paysage, où se forment les traits de mon visage. C'est traîtrise et méprise, attitude qui attriste et mauvaise entreprise. Ici y'a pas de plage, pas de parc, je sens barre, un squat et un squat. Mon 5-9, tu me l'enlèveras pas de la fête. Tu sais, j'ai pris goût à ma propre goût à la fête. Je connais pas le paysage, j'ai des cartes postales, c'est hostile, c'est l'orgueil, c'est vital. Je ne connais pas le chant des mouettes sur les quais, mais je connais la sirène des ambulanciers. Je sais à quoi sert l'hôpital. Chien, ici les hommes prennent de l'âge et deviennent gris pâle. C'est mon tapis de nord et je le kiffe comme il est. C'est vrai que Marianne l'a mal peaufiné, car je ne connais pas les boulevards, le shopping. Je connais les alarmes et la sécu de Shopee. Je ne connais pas les studios pour l'instant. Je connais la peine et l'ennui des enfants. Je connais la procédure, je connais les bavures, la séquestration, la mauvaise allure. Tu dis pas y'a du mouvement, c'est pas mort. Mais de toute façon je le kiffe car c'est mon tapis de nord. Le nord, c'est ma vie, mon paysage, où se forment les traits de mon visage. Le nord, c'est traîtrise et méprise, attitude qui attriste et mauvaise entreprise. Le nord, ici à pas de plage, pas de parc, je sens barre, un squat et un squat. Le nord, dans 5-9 tu me l'enlèveras pas de la tête. Tu sais j'ai pris goût à prendre goût à la fête. Le nord, c'est ma vie, mon paysage, où se forment les traits de mon visage. Le nord, c'est traîtrise et méprise, attitude qui attriste et mauvaise entreprise. Le nord, ici y'a pas de plage, pas de parc, juste sans voir, un squat et un square. Le nord, mon 5-9 tu me l'enlèveras pas de la tête. Tu sais j'ai pris goût à prendre goût à la fesse. 5-9